Exercice 2, page 155. A. Vous êtes 6? B. Il y a beaucoup de mouches. C. Chez toi? D. Le chien est là. E. On doit cesser tout ça. F. C'est une nouvelle série?